gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abouboté à ce ceux qui ont cru en Jésus et ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Bayami dit que vous me rebelle, me boulez en gana, voyez tout ça, me tajoué sous ce nom, me gagne de vos la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. Aïe, tous mandat ton pasteur, mandat ton prêtre, mon évêque, me dit à me yemme, oué, à ma mort, de la tête sort. Mandat l'homonie, à sinani, quand te botte, bamba foy, un boy d'agni bot, n'inga quand te be philosophie. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Me bende yaba jaye bebe kouta biye kole manis de la tonsa. A Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais le ta diacre. Me diacone yaba bon biyene, de yeme Jésus c'est de la tonsa. Un acteur de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La jeune veut me louer à Begombo pour le magnifique de la consort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la consort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, laissez les églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'autopuissant. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, josephologue. Il n'y a pas de bonheur dans mon royaume de la puissance. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de la puissance. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de la puissance. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de la puissance. J'étais rosicrucien. On m'a dit que Jésus, tu étais maître rosicrucien. Et la fois où tu n'as jamais fondé, c'est de la puissance. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, prophète, pour diriger mes créatures, tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de la puissance. Assez Yudo, Dina, Dize, Sissouye, Raoul, Finish. Today you don't want back the fire, they voted for you in my coming. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir à ton frère Junior. Bonsoir, frère Junior. Un dédicat spécial pour la nouvelle venue, n'est-ce pas, du groupe de la Belgique dans la sainteté et pour celle-là qui vient essayer de bouffer et égrener comme ça les, quoi, la sanctification de Belgique dans la sainteté venant de la France, notre sœur Kelly. Kelly, bonsoir et bienvenue. Amen. Amen. Et donc là maintenant, c'est pour la petite fille maintenant que ceci est dédié, n'est-ce pas? Personne avec qui s'aimer le signe de l'alliance qui part de l'eau du ciel, seul le pays au-dessus de tous les enfants et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. C'est une direction. Autre très loin du péché. Alors du ciel se l'épée au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption. C'est une direction. Autre très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir. Péché et tout le monde, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tout est sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul roi à combler le cœur condamné à l'or. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges. Qui nous range, agneau de la rédemption, pour moi t'as tout qui t'écrasé, direction, autre très loin du péché. de la rédemption. Pour moi de tout quitter, que c'est une direction. Autre très loin du péché. C'est comme vos remontants, la couronne des rois des rois, mon bouclier de combat, me renseigne devant toi. C'est comme vos remontants, la couronne des rois des rois, mon bouclier de combat, me renseigne devant toi. Jésus de tous les ans, et de toute l'humanité, un créateur qui nous range, agneau de la rédemption, quitter tracer une direction, entre très loin, entre très loin du péché. Allons du ciel, c'est le réel. Au-dessus de tous les hommes et de toute l'humanité, un créateur qui nous rendra agneau de la rédemption. Tracer une direction. De nos cœurs répandus. Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde en un flot et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. La famille des Chana, bonsoir, bonsoir. Offrey Trabi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, la sœur Kelly de la même maison. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Et bon séjour à côté des Chana. Amen, merci beaucoup. La sœur règne toujours ponctuelle. Bonsoir et bienvenue à Belgique dans la sainteté. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Le frère Frédéric avait les tribulations de l'école. Bonsoir et bienvenue. Et nous osons croire que Bétine, il ne va pas dormir demain sur ses épreuves ou sur ses cahiers. La sœur Ami Avocat, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Amen. Dans quelques temps, tu seras au Cameroun. Il y a le tatami ici, tout juste à ma gauche. Et on en parlera plus par rapport à tout ce qui arrive, d'accord? Au tatami, on danse seulement, hein? D'accord, ma soeur? Il n'y a pas quelque chose de grave. Oui, j'ai pas peur, mon frère. C'est juste que ces derniers temps, je vais vraiment pas bien. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut au tatami, non? La pression monte. Ou bien on commence maintenant directement quoi? On commence maintenant? J'aimerais bien parce que je me sens vraiment pas bien cette semaine et je sais pas ce que j'ai l'impression que je perds tout, je suis désorientée en fait, je suis plus moi-même. Ma soeur, il faut être toujours souriant. Il y a n'importe quoi, il faut être souriant, d'accord? Mais c'est Oui, vas-y. Cette semaine, j'ai eu quelques épreuves difficiles, mais Dieu m'a fait quand même grâce. Voilà, les épreuves ne t'ont pas tué, n'est-ce pas? Les épreuves ne vont pas te tuer, ça va te rendre forte seulement, d'accord? Oui. Chacun a sa taille, sa pointure, sa corpulence, d'accord? Sa couleur, son teint, son et donc sa persécution, d'accord, ma soeur? Mais le tatami touche à ma gauche. C'est que j'ai failli commettre un péché grave, mais le Seigneur m'a préservé. Il t'a préservé comme Abimelech, n'est-ce pas, ma soeur? Le Seigneur est bon, d'accord? La sœur Suzanne Clodon, bonsoir, je t'ai pas oublié. Ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Vous la voyez seulement sourire, c'est sûr. Il parle nous maintenant, ton micro est ouvert. Pardon, bonsoir, shalom tout le monde. Shalom, à bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu n'as pas un petit cantique là pour la sœur Shana? Tu ne connais plus les cantiques quand tu es seul, depuis que tu es seul, n'est-ce pas? À Dieu soit la gloire. Allez, chante alors. Bon, la soeur Clona ne connaît pas de cantique alors. Ton micro est fermé, ma soeur, n'entend pas. C'était moi, mon frère, pardon. Oui, c'est toi. Tu ne vois pas vraiment. Oui, tu ne lis pas souvent le cantique. Bon, ça va aller. Donc, la soeur Ami, le tatami ici à gauche nous attend, d'accord? Donc, ne t'inquiète pas, tout ceci c'est pour te préparer. Tout ce qu'il y a derrière, c'est tout pour te préparer. J'ai demandé si c'est possible qu'on prie maintenant. On a dit non, c'est pas maintenant, d'accord? Donc, je tente de prier là. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais la soeur Christiane n'est pas là aujourd'hui. Où est la soeur Christiane? Elle n'est pas là, je crois qu'elle sera connectée. Alors, le frère Frédéric, avant que tu ne nous quittes, parce qu'il va falloir que tu dormes tôt pour te réveiller tôt pour aller à l'école, est-ce que tu as une question? Oui, j'ai une question. Oui, parle au micro et un peu à haute voix. Même si tu dois être persécuté pour quitter ICC, pour avoir quitté ICC. Et ça laisse son balance. Oui, j'ai une question. Oui. Il a bien, mon amour. En fait, deux versets. Oui. Il y a Matthieu 10. Je suis en train de voir. Il faudra écrire sur le forum le verset, les versets dont tu les questions, en posant ta question, d'accord? Oui. Je lis les versets en même temps. Oui, le temps que les gens ouvrent également, donne les versets, parce que j'ai pas suivi du tout. Matthieu 10 et Marc 6. Matthieu chapitre 10. Donc, ton dossier, ça, quoi, c'est ton dossier de persécution encore avec les parents, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Ok, donc cette fois-ci, au moins, tu as le relais. Matthieu chapitre 10. Oui, Matthieu 10, le verset, à partir du verset 9, je lis. Oui. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. On est en temps. On ne t'entend pas, mon cher. Je ne sais pas si vous autres vous l'entendez. Je n'entends plus. Il y a mentionné ni bâton. Allô, mon frère Frédéric. Tandis que dans Marc. Allô? Allô? Oui. Oui, j'ai dit que dans le verset 10, il est mentionné ni bâton. Oui. Tandis que dans Marc 6, le verset, je reviens encore au verset. Dans Marc 6, verset 8, il est écrit, il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Pourquoi dans un verset on recommande de ne pas prendre le bâton et dans l'autre on dit de prendre? Merci pour ce passage. Mais je veux que tu m'entends très attentivement, tu entends ma voix. Mon cher. Allô, Frédéric. Allô. Et vous autres qui avez ces versets, ces passages, deux passages justement dans la main, voici l'une des choses qui vous dit qu'il y a des achoppements dans la Bible. Et la compréhension amène la chose simple. Je veux que tu ouvres d'abord Matthieu chapitre 10. Et puis ce livre de Marc là au chapitre 6. Et on va lire quelque chose. Dès que vous les avez entre les mains, je vais vous demander. La sœur va lire le premier, c'est-à-dire dans Marc, dans Matthieu. Et puis, qui a une bonne connexion, qui a un bon micro là, la sœur Suzanne Clodon. On en voit souvent son foulard maintenant avec sa toiture. Donc, elle va nous lire dans le deuxième livre. Alors, sœur Reine, vas-y, premier. Écoutez, très attentivement. Voilà. Non, remonte plus haut. Ça, c'était au verset 9. Prends à partir du verset 8. Allons-y, écoutez très attentivement. Guérissez les malades. Non, remonte encore plus haut. Remonte encore plus haut. Allez. Prêchez et dites, voilà. Le royaume des cieux est proche. Oui. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers. Ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Allez, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture vraiment de sa parole. La sœur Suzanne Clodon, feu. Amen. La sœur Suzanne nous entend. La sœur Suzanne nous entend. Vous êtes sûr qu'elle est connectée là? Oh là là, décidément, pardon. C'est Marc combien, pardon? Marc 6? C'est que le frère avait dit là, quoi? Verset 8. Oh, ok, entendu. Il a prescrit de ne rien... Non, ne commence de pas. De ne rien prendre. Attendez ma soeur, ne commence pas là. Commence à partir du verset 6. Allons-y. Ok. Et ils se tenaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12. Il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, oui. De chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Voilà. Mon cher, c'est bon. Mon frère Frédéric, repose ta question maintenant. Maintenant, comme vous avez lu, repose ta question et on en a la réponse. Allons-y. Est-ce qu'il est avec nous? Frédéric, si tu nous as... Oui, vas-y. Oui, on a lu maintenant les deux, maintenant, proprement dit. Quelle est ta question? Il donne des ordres. Qui? C'est difficile de travailler avec le connaissance. Pourtant, il y a des choses à développer là-bas. Vous voyez, c'est difficile. Quand le temps de réponse n'est pas bon, là, on ne peut pas avancer comme ça. Frédéric, tu nous entends? Allô? Oui, j'entends. Qui donne les ordres? Le Seigneur. Où? Dans quel passage il donne les ordres? C'est le Seigneur qui donne les ordres. Mon frère Frédéric, ne bouge plus. Ne bouge pas, d'accord? Allô? Allô? Il y a un retour chez toi. Il y a un retour chez toi qui n'est pas bon. Tu as mis sur ton haut-parleur. Il y a le haut-parleur, tu as mis ça. Tu m'entends? Bon, pose directement la question. Je crois qu'on ne doit plus poser les questions. Allez, pose directement ta question. Quelle est ta question? Ma question, c'est que dans un verset, dans Matthieu, oui, il recommande de ne pas prendre de bâton. Mais dans Marc 6, il dit de prendre le bâton. Qui dit ça? Le Seigneur. C'est pas lui qui a dit ça, mon cher. Tu n'as pas bien lu. C'est pour ça qu'il a demandé que vous relisez. Dans un, il a dit, dans l'autre, il n'a jamais dit cela. C'est le narrateur, c'est lui qui dit. Ah ah, donc finalement, tu as accusé le Seigneur d'avoir dit cela. Tu as remarqué que dans Matthieu, oh là là, coupe ton micro, c'est désagréable. Je ne sais pas pourquoi ça siffle chez toi. Et pourtant, j'aurais souhaité causer avec toi en faisant ça. Maintenant, si vous remarquez très attentivement, vous allez remarquer que dans Matthieu, chapitre 10, après ça va dire allez, et il est dit. Allez, et après il est dit, vous avez remarqué qu'il y a deux points, n'est-ce pas? Donc c'est un style direct. Ça veut dire que là-bas, c'est la parole que notre Seigneur a prononcée de sa bouche. Je ne sais pas où me suivez-vous tous là. Donc dans Matthieu chapitre 10, il est question de la parole que Jésus a dite lui-même. Et tandis que dans le livre de Marc, là, il est question de retranscription indirecte. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Hein, mon cher Frédéric. Bon. Quelqu'un d'autre a des questions? Je crois qu'à ce rythme-là, on fera 4 temps ici. Voilà, il a coupé son micro. Bon, si, comme tu as écrit que tu as coupé le micro, si tu as des questionnements concernant cela, encore tu écris tout juste là, quelqu'un d'autre va lire, on va continuer à développer. Sinon, il y aurait des sujets intéressants là-dedans. Vous voyez effectivement que quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Vous remarquez que dans Matthieu 10, ce n'est pas la même chose qu'on a dit dans Matthieu, dans ce livre de Marc. Parce que là-bas, dans Matthieu, il s'agit des styles directs. Le verset 6, 7 et 8, et puis 10, 10, il a choisi les disciples, il les a envoyés deux à deux, puis il les recommanda d'aller, et il dit, la Bible déclare, il leur dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est lui qui le dit, le Seigneur qui le dit. Il prononce sa propre bouche. Et là, on a de le prendre au style direct. Ça veut dire que s'il y avait les guillemets, on mettrait les guillemets là-bas et mettrait dans les paroles du Seigneur Jésus-Christ en rouge. Maintenant, dans le livre de Matthieu, Marc chapitre 6, on ne mettra pas ces paroles-là en rouge parce que c'est pas ce que Jésus a sorti de sa bouche. Il s'agit de la retranscription, quelqu'un a interprété sa parole. Voilà. Et quoi que vous voyez la différence, n'est-ce pas? La soeur Amie, as-tu des questions? Le temps que le frère là, s'il a encore d'autres préoccupations, il écrive. Si votre micro n'est pas bon, c'est quoi que ce serait bien d'écrire dans le forum et quelqu'un d'autre lit, quoi? Non, mon frère. Je n'ai pas de questions. Frère, bon. Oui, ça suscite encore. C'est le frère Trabi. Ça suscite encore une question. Oui. C'est Mac qui est en train d'écrire Mac. Oui. Oh, Marc est un disciple aussi du Seigneur, non? Oui. Maintenant, d'où vient le problème? Quel problème? Parce que, bon, de l'autre côté, on lit clairement qu'il il dit ici, on lit clairement dans Matthieu, qu'il dit de ne pas prendre. Maintenant, Marc ici dit de prendre. Il y a combien de fois a-t-il envoyé? L'envoyer une fois ici. Vraiment, mon frère. Allez prêcher. Tu es chapitre 9. Tu es chapitre 6. Tu es dans quel chapitre de Marc? Marc chapitre 6. Allons-y, relis encore. Verset 6. La Sainte Christiane, bonsoir et bienvenue dans la sainteté. Je suis dans la sainteté. Bonsoir et bienvenue. Allô? La sœur Christiane ne nous entend pas. Bonsoir et bienvenue, la sœur Christiane. Bonsoir, vous m'entendez? Voilà, on t'entend. Oui, on t'entend, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, allons-y maintenant, mon frère Ptra, allons-y. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur disant, en leur donnant pouvoir sur des esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chaussées, de sandales et de ne pas revêtir de tunique. Oui. Puis il a dit. Oui, mon frère. Puis il a dit, dans quelques maisons que vous entrerez, restez-y jusqu'à ce que vous partirez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni nous, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchaient la repentance. Voilà. Maintenant, relis le Matthieu chapitre 10 en gardant ceci à l'esprit. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout ce que tu as donné là, tout ce que tu as donné là, ça se retrouvait dans le livre des Marc. Non, il y a une petite partie et les autres ne sont pas là. Continue jusqu'à la fin, on va voir. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça se trouve dans Marc là? Non. Continue. Dans quelques villes ou villages que vous entrerez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partirez. Verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix revienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ça se trouve là-bas dans Marc? Secouez la poussière de vos pieds se trouve de l'autre côté. Voilà. L'explication n'est pas la même chose. Voilà. Oui, frère. Oui, Frédéric. Oui, frère. Oui, frère. L'explication n'est pas la même chose. C'est vrai que chaque personne ne va pas ramener, chaque personne va pas ramener le message intact. Chacun va amener ce que le Seigneur lui a, ce qu'il a reçu du Seigneur, mais ça ne consiste pas à déformer le message non plus. Parce que là, d'un côté on dit de ne pas prendre, et de l'autre côté on dit de prendre. Ça déforme un peu quand même. Pour quelqu'un qui n'a pas la compréhension à ce sujet-là. Bon, de toutes les façons, on ne t'a pas envoyé que tu prennes le bâton, ça ne te concerne pas pour commencer, pas vrai? Le frère Trabé, vous ne pouvez pas connecter deux sources dans la même pièce, ça va créer des scandales. C'est pour ça que ça crie comme ça. Quelqu'un s'est connecté encore sur un Skype dans le même salon. Voilà, la soeur Kofi. Mon cher Frédéric, Oui. Je disais donc de toutes les façons que qu'on prenne le bateau ou qu'on ne prenne pas, ça ne te concerne pas parce que tu ne prendras pas le bateau. C'est le bassin, ça ne te concerne pas du tout. C'est vrai. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Parce que tu n'iras nulle part aller annoncer là, quoi, chercher les brebis égarées des enfants d'Israël. N'est-ce pas? Tu ne passeras pas par les. Donc, tu n'auras pas besoin de bâtons pour prendre de la pluie, ou encore moins peut-être de bâtons pour taper sur les serpents ou bien les scorpions que tu rencontreras en route. Ça ne te concerne pas. Il faudra trouver mieux comme ça dans les Écritures. Donc, je vais revenir avec cet enseignement sur les pieds d'achoppement mis dans la Bible. Oui. Et là, on prendra beaucoup d'exemples comme ça. Vous prenez un cas, par exemple, prenez le livre de Jean, chapitre 13, il vous montre quelque chose. Jean, chapitre 13. Frère Frédéric, comment ça va la communion depuis avec à la maison avec ton oncle et ton avec ta caméraman? Comme tu filmes de bon les chez ta chaleur, tu filmes toujours? Non, il n'a pas filmé chez lui. Il n'a pas filmé chez lui. C'est là, ici. Ah, tu filmais chez Ivan Castano. Dans les belles images que nous voyons souvent là, c'est toi Oui. qui les filmes. Attends que mon ami Georges Namassa que sache que c'est toi. Tu vas voir si tu es dans Jésus-Christ Télévision. Jean chapitre 13. Vous êtes dans Jean chapitre 13. Je veux que vous lisez le verset 1, 2 et 3. Quelqu'un, celui, je crois que c'est la sœur qui a le son qui est bon là. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Alors, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Stoppons d'abord là-bas. Je vous pose une question à vous tous. Ce que vous avez lu là, vous avez déjà lu ça quelque part encore dans un autre évangile? Alors, je vous pose donc la question, pourquoi quelque chose, une histoire aussi solennelle comme ça, seul Jean essaie de, seul Jean a retracé cela. Pourtant, on voit vraiment qu'il y a des événements terribles là-bas au point où l'apôtre Pierre va refuser qu'on lui lave même pas les pieds. Et Jésus va lui dire, si ne lui lave pas les pieds, il n'aura pas de part avec lui. Il dit que non seulement les pieds, mais même la tête. Pas vrai? Alors, pourquoi un événement aussi solennel comme ça, sauf Jean le dit? Et il le dit longtemps. Souvenez-vous que le seul livre de Jean-là est le dernier des livres qu'on a écrit. Et donc, depuis longtemps, c'est longtemps qu'il écrit cela. Vous voyez pourquoi ça peut mettre en déroute les théologiens qui disent non, il n'y a pas de confirmation dans l'un ou l'autre passage, parce qu'il faut au moins le témoignage des deux scripts soit vrai. N'est-ce pas? Maintenant, la question que je pose, c'est pourquoi c'est seulement dans le livre des Jean que ça se trouve? Pourtant, dans Matthieu, on voit effectivement, depuis la mort, la résurrection, enfin, avant la résurrection, comment il demande qu'on ne peut pas préparer la Pâque. Le soir étant venu, on décrit la solennité de ce qui se passe là-bas. On ne fait même pas fi de tout ce qui s'est passé là. Dans le livre de Marc, Miss Makosa. Dans le livre de Luc, la même chose. Mais pourtant, dans le livre des Jean, ça figure pleinement. Et on parle de lavage depuis là-bas. Mais les gens esquivent ça aujourd'hui pour dire non, c'était juste un symbole. À cause de cela, les pierres d'achoppement. Donc, je vais revenir sur cela, d'accord? J'attends seulement le moment, je ne sais pas dans quel pays on va prêcher cela, mais les pierres d'achoppement. C'est une série qui sera vraiment longue. Les pierres d'achoppement que Dieu lui-même a mis là, effectivement, pour faire que les gens tombent. Exactement comme il avait mis la pierre précieuse, Jésus en Sion, et en qui il a mis son nom pour faire chuter les gens. Pourquoi ce serait bien pour qu'on voie ce thème-là, le nom a problème, le nom qui pose problème. On pourrait voir cela, si Dieu le veut. Si vous le voulez bien. À moins que vous ayez des questions. Et quoi, la dernière fois, nous avons vu le Seigneur Jésus, notre secours. Si ma mémoire, c'est ça, c'est Belgique dans la sainteté, ça. Amen. Moi, j'ai une question. Oui. Ça concerne, ça va, Romain, dans Romain 14. Dans Romain, au chapitre 14. Oui. Oui. Pour À ceux qui. partir du verset 14, justement. Oui. Il faut lire ou avant?

de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de nœuds, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Amen. On pourrait presque passer du temps. On pourrait passer du temps maintenant. À prêcher là maintenant. Maintenant, tu as lu maintenant tous les 19 chapitres, les 23 versets. Tu vois maintenant quelque chose, n'est-ce pas, ma chère sœur? Il y a beaucoup de choses. Alors maintenant, aménage donc tes questions. Question numéro 1. Vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Vous ne posez pas de questions, il ne répond pas de questions non posées. Allons-y, question numéro 1. Parce qu'il y a des déchets, ces choses-là. Nous avons convenu qu'on voit le nom qui dérange. Mais si vous voulez qu'on aille dans une autre direction, on l'ira dans une autre direction. Donc j'attends les questions. Non, en fait, pour ma part, je trouvais juste que ça se contredisait un petit peu au niveau de... Parce qu'à un moment donné, il dit qu'on peut... C'était comme si on pouvait tout manger. Et puis plus bas, il disait qu'il fallait s'abstenir du vin. Non. Et, comme c'est cela la question, j'explique rapidement. Donc ici, il a dit que... En réalité, celui qui a la connaissance peut tout manger selon la foi qui lui a été donnée, alors que d'autres personnes peuvent ne pas comprendre ces choses-là. Donc, si toi, tu as la connaissance, tu peux manger quelque chose, il ne faut pas que tu sois un pied d'achoppement pour une autre personne. Donc, il dit pour un aliment, on ne détruit pas l'œuvre de Christ. Donc, alors, par sagesse, je peux ne pas manger devant quelqu'un, ou bien ne pas boire devant quelqu'un pour que ça ne le dérange pas. C'est tout simplement. La question, c'est clair. D'accord. Donc, il n'y a pas de contradiction. Ça va, ma soeur? Oui, ça va, d'accord. Ok. Mais j'ose croire que ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit se saouler. Voilà. Oui. Parce que, à ça, ici, d'autres diront que, même dans le monde, d'autres disent, je sais boire, il ne peut jamais me saouler. Moi, je sais contrôler ma dose. S'il est déjà dans le monde, il n'a qu'à boire. Personne ne le retient. Voilà. Il est déjà dans le monde. Qui boit, il saoule même tout la brasserie. Quoi. Autre question? Parce que s'il est dans le monde, il s'abstient de boire, ça ne change pas sa situation. Oui, ma soeur Christiane. Non, je dis que ça veut dire en fait que boire du vin n'est pas, c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Oui, tout comme manger du porc. Mm-hmm. Ah. Ou bien manger même les angles sacrifiés aux idoles. Mm-hmm. C'est pas ça, ma soeur. Personne ne parle plus. Oui, parce que Paul a mangé, il a dit qu'on sait qu'il n'y a pas de Dieu. Mm-hmm. Il a mangé ces trucs, mais... Donc en réalité, il n'y a pas de Dieu dans le monde, quoi. Oui. Donc en réalité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu seul. Amen. N'est-ce pas? Mm-hmm. C'est ça? Hein? Non, il y a des dieux, mais quand il dit ça, je crois qu'il ne peut pas la dire que... frère Junior, je pose seulement la question, il n'y a pas de Dieu dans le monde. Non, il y a des dieux. Donc, il y a des dieux dans le monde. On les sacrifie des sacrifices, nous mangeons tout cela aussi. S'il te plaît? Si on les sacrifie à ces dieux-là, on participe à ça, on mange. On s'en fout. Non, on ne participe pas, mais Paul disait que quand il était dans ses temples, il dit qu'il a fait ça, c'est par rapport à la foi. Il a mangé parce qu'il n'a pas mis foi dans ça. Où ça? Il sait que ce n'est pas des dieux. Dans quel temple il était? Chez les vaudous, là. Non, mais je crois bien que Paul a dit qu'il n'avait pas de considération pour ça parce que justement sa foi l'a mené au-dessus de ces choses. Il savait que Dieu, notre Dieu, est au-dessus de ça. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire quand... Si quelqu'un se trouve en boîte de nuit, il peut dire non, que la boîte, il parle en boîte de nuit, ça ne le touche pas. Non, c'est pas. Non, frère, c'est pas. Pas la même chose. Puisque au verset 20, la partie C, il dit qu'à la vérité, toutes choses sont pures. Il a bien dit toutes choses. Qu'est-ce que vous en dites? toutes les choses. Il y a toutes choses est bon, mais c'est pas pourtant qu'on a besoin. Non, mais si toi tu as besoin et que c'est plus, est-ce qu'il y a un problème? Mais quand il dit les choses, est-ce que c'est pas les animaux? C'est pas les. Non. Regarde, toi, lis le verset 20 encore. Allons-y, verset Christian, lis. S'il y a animaux là-dedans, lis un peu. Ah. C'est où ça, verset? Verset 20. C'est vous qui avez lu ça tout à l'heure, non? Moi, je n'aime pas la même version. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Ça va dire la même chose. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Certes, tout aliment peut être mangé, mais il est mal de manger quelque chose si l'on fait ainsi tomber un frère dans l'erreur. Voilà. C'est ce que j'aime. La sœur Amélie, un peu, verset 20. Pour un aliment, ne détruisez pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur, mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'échappement. Mmh. Oui. Dans ma version, on parle d'aliments. Oui. On dit que tout aliment est peut être mangé. Vous savez, il me dit quand il disait toute chose, c'était par rapport à ce qu'on mangeait, puisque le sujet, c'est la nourriture dans ce contexte. Donc, quand il dit toute chose, c'est qu'il ramène à la nourriture. Ah, la nourriture ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. C'est... Ah, c'est clair, même les idoles. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, les sœurs. Il y a quelque chose. Pourquoi? Je crois que ça devient comme ça quand Dieu l'autorise. Attendez, hein. Attendez, laissez le frère Frédéric parler, on ne le voit même pas, il est à côté de la voiture, il neige là-bas. Frère Frédéric, qu'est-ce que tu dis? Non, je dis que... Ouais, je crois que ça vient comme ça quand Dieu l'autorise. Par exemple, dans Acte 10, quand on voit, quand Pierre déclare souillé, quand Dieu montre à Pierre le... Quand Dieu dit à Pierre de tuer l'animal et de manger, et que Pierre dit que non, c'est souillé, et Dieu dit ne déclare pas souillé ce que j'ai déclaré saint. Je crois que c'est quand Dieu le déclare, ça a rapport avec aussi l'autorisation de Dieu. Bon, ok. Quelle est la nourriture que Dieu a déclarée souillée alors, mon frère? Oui. Bon, frère, je n'ai pas entendu. Il demande quelle est la nourriture que Dieu a déclarée souillée. D'après ce que tu as dit dans chapitre 10, là où le Seigneur a dit par trois fois à l'apôtre Pierre, tu et mange. Il a dit jamais rien n'est souillé n'est entré dans ma bouche. Et Dieu lui dit justement que ne déclare pas souillé ce que j'ai déclaré saint. Alors il pose la question, quelle est la nourriture que Dieu a déclarée souillée? Non, ce n'est pas Dieu qui a déclaré souillé. Pour Pierre, c'était comme ça. Mais pourquoi l'apôtre Pierre refusait de manger? Mais il y avait le porc, le corbeau, les trucs comme ça qui étaient souillés avant. Qu'est-ce qui est interdit? C'était l'Ancien Testament? Non, c'est avant. Bon, qu'est-ce qui les a sanctifiés alors? Donc le porc a chassé des porcs. Le sang de Jésus a sanctifié ça. Le sang de Jésus a sanctifié ça. Donc le sang de Jésus a sanctifié le porc. D'accord, c'est la nouvelle alliance. Alors je pose la question. Y a-t-il des chrétiens aujourd'hui qui refusent de manger le porc? Oui, il y en a. Ont-ils raison? Je vais les répondre chacun. Tout à l'heure, vous avez touché. Vous voyez la soeur Clodon à la chaise, jeter le feu et s'est caché là-bas derrière les enfants. Maintenant, la question que je pose, c'est dans ce 1 Corinthiens, c'est Romains chapitre 14. Alors, il y a des chrétiens aujourd'hui qui refusent de manger le porc, pas vrai? Et si vous lisez la Bible justement, dans le livre de Lévitique, il est interdit de le manger. Ce n'est pas seulement le porc, il y a différents types d'animaux là-bas. D'autres ne mangent pas le serpent par convenance parce qu'ils connaissent que ce monsieur-là, il est méchant. Ils ont peur que même si on prépare le venin, ça risque de venir dans le rêve. Mais pour le porc, ils mangent sans ambiguïté. Alors la question que je pose, c'est les chrétiens, avec le contexte que nous avons lu ici maintenant, écoutez très attentivement, pas avec le contexte passé, avec le contexte que nous venons de lire dans Romains 14. Si l'apôtre Paul était là et qu'il rencontre deux chrétiens qui sont en train de discuter, avec les preuves à l'appui biblique, l'un dit « il ne mange pas le porc » en sortant les versets bibliques. et l'autre qui dit je mange le porc en sortant du verset biblique. Vous pensez qu'est-ce que l'apôtre Paul dirait avec le contexte? Je crois qu'avec ça on va régler toutes choses maintenant. On va les dire ils n'ont rien compris en fait les deux, de ce qu'il a écrit. Les deux. Oui. Non, en fait, je vais dire ceci. Est-ce que l'apôtre Paul condamnera celui qui a mangé le porc? Ou bien lui dira qu'il a raison, ou bien il dira à celui qui aura raison. Non. Non. Il va pas manger devant eux. Non. Il va les respecter. Non, puisque dans ce cas, il y a un qui mange et un autre qui mange pas. Donc je ne dis pas que l'apôtre Paul mange. J'ai dit l'apôtre Paul les voit en train de discuter. Non, c'est celle qui mange le porc. C'est celle-là qui mange. Qui a fait quoi? Qui a raison d'en manger, justement. Et celui qui ne mange pas. Mais je crois que. Les deux ont raison. Qui a dit les deux ont raison? Les deux. Attends, selon le choix. Ça, c'est la fin. Ah, non, ça, c'est la fin dans la sainteté. Effectivement, voilà. Donc, effectivement. Si vous comprenez ce que l'apôtre Paul a dit ici, il veut dire si un chrétien mange le porc, il a raison. Oui. Le cadre du porc. Mm-hmm. Si un chrétien ne mange pas le porc, il a aussi raison. Pour bien sûr ce qu'il a dit ici, pas vrai? Ça veut dire que celui qui mange le porc a la compréhension des choses spirituelles pour lesquelles il mange. Mais s'il le mange tout en doutant en lui-même, c'est là où ça devient péché pour lui. C'est ça? C'est ce qu'on dit ici dans Romains 14. Donc si vous mangez le porc par suivisme, vous risquerez d'avoir des problèmes parce que vous ne mangez pas par conviction. Si vous touchez le porc brisé, vous sentez que c'est sucré. Oubliez le fait que Jésus a passé le démon et versé la déjà comme les musulmans disent. Donc souvenez-vous que si vous êtes musulmans et que vous allez nous écouter, le porc que vous mangez, qu'on vend sur le marché, ce n'est pas le même porc qui est entré dans l'eau parce que le porc était entré là-bas, il est mort. Sinon, ce n'est pas l'ancien grand-parent du porc parce que le porc ne peut pas mourir et puis venir protéger encore le porcelain. Donc, il faut vous délivrer. Voilà. Alors, ça veut dire que devant une situation de problème précis, en fait, si vous comprenez ici encore davantage, vous allez remarquer que si vous, après avoir lu c'est Romains 14, vous allez voir que le chapitre 15 commence par que celui qui est spirituel soutient ceux qui sont faibles. Donc, ça veut dire que cet état, c'est une étoile de maturité spirituelle dans la compréhension des choses de Dieu. C'est ce qu'il en est. Parce que vous soyez baptisé de Saint-Esprit, ou soyez baptisé dans le Saint-Esprit, comme il a dit que si nous vivons, nous vivons pour Dieu, si nous mourons, nous mourons pour lui. Parce que celui qui, depuis que Christ est mort, personne ne meurt plus pour lui-même et ne vit plus pour lui-même. En principe. Et donc, par conséquent, si vous êtes à Christ, vous avez été acquis à la louange de sa gloire. Donc, vous mangez, vous lui rendez grâce. Je crois que mon frère a dit ça ici. Vous mangez, vous lui rendez grâce. Parce qu'en mangeant, vous rendez grâce. Et puis quand vous préservez par rapport à ça, Dieu, si tu es au Seigneur, préserve-moi de ceci. Tout ça, c'est pour la gloire, c'est pour sa gloire à lui. Amen. Donc en réalité, Dieu veut dire, je ne veux pas de discussion sur les nourritures, donc laissez-moi cela. C'est ce qu'il a dit ici. Avancez dans ce qui est plus parfait. Des questions? Mais quelqu'un ne peut pas s'élever pour dire, pour la, on est convaincu de pouvoir boire. C'est impossible. S'il est convaincu, tu vas enlever sa conviction, frère. Mais selon les écritures, là, il y a problème. Les pasteurs sont convaincus que Jésus-Christ était le plus riche de la terre parce que de sa pauvreté, il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. N'est-ce pas, mon cher Frédéric, qui filme à ICC? Non, frère, tu as conjugué mal le verbe. Comment ça? Ça, c'est le carrément. Ils zooment vraiment sur lui. Dis-nous, le verbe s'est conjugué comment? Filmé en passé. Ah, tu filmais. Tu n'es plus là-bas. Ok, que le Seigneur te bénisse. Alors, et là, il a dit que tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Donc, parce que si tu ne le fais pas par conviction, tu pèches contre toi-même. Pas que tu pèches contre Dieu, tu pèches contre toi-même. D'accord, mes chers frères? C'est pourquoi, frère, cette parole, ce langage de conviction là, aujourd'hui amène beaucoup de personnes dans l'égarement. Il dit oui, le Seigneur m'a pas encore convaincu d'enlever les mèches. Oui. Le Seigneur m'a pas encore convaincu de mettre le voile. Oui. Le Seigneur m'a pas convaincu parce que ce verset-là vient appuyer pour dire que tout ce qui n'est pas plus de conviction est péché. Quand tu vas rencontrer ces personnes-là, d'accord, mon cher, après que tu leur as montré qu'il faut qu'il compare sa conviction avec sa domination par rapport à la chair. Tu lui expliques que lorsqu'il sera convaincu de lire la Bible, convaincu de méditer la Bible, convaincu d'être baptisé, convaincu de prier pour elle-même, qu'elle avance. Tu le laisses tranquille avec leur mèche, d'accord, mon cher? Donc, des questions? Passons aux choses sérieuses. Quand quelqu'un n'est pas convaincu, s'il est convaincu même pour dormir, il faut qu'elle soit convaincue pour se brosser, convaincue pour manger, convaincue pour rentrer, convaincue pour prendre le métro. Donc, vous voyez que vous pouvez prendre, on ne peut pas prendre le verset, on se cache derrière. Vous prenez le verset, vous cachez derrière. Même votre esprit vous dit que vous êtes malhonnête. Des questions? Moi, j'ai une question. Des questions. La sœur, elle est au milieu, centrale. Vas-y, maintenant, pose la question. J'ai une question dans Matthieu 27, verset 49. Vous savez, avec ces passages de Matthieu et de Romains 14, là, je reste surtout baladé dans Galates, dans 1 Corinthiens, et puis dit certaines choses concernant le Seigneur. Mais ça, pour un autre enseignement. Oui, ma soeur, Matthieu 27, verset 49. Je cherche à... Alors, mais les autres disaient, laisse. Non, en fait, je me suis trompée. C'est le verset 50. Donc, tu n'étais pas convaincu du verset, quoi? Non, non, j'ai juste mal noté, en fait. Le verset, quoi? Jésus poussa de nouveau le 50. un grand cri et rendit l'esprit. Ouais, oui, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Oui. Ma question se trouve au niveau de rendre l'esprit. Amen. Donc, je me posais d'abord la question, est-ce que Jésus rendre l'esprit, parce qu'on sait, je ne sais pas si c'est un abus de langage ou je ne sais pas, quand quelqu'un m'en dit, il rendit l'âme. Voilà. Je me suis posé la question, est-ce que Jésus avait l'âme? Oui. J'ai pu... Posons d'abord les questions. Je pense... Je crois qu'il faut qu'on pose des questions. Première question. Est-ce que Jésus a l'âme? Quand tu as fait la recherche, tu as trouvé quoi? La réponse est oui ou non? Oui, dans Ésaïe 53. Même sans que ça ne soit pas la Bible. De deux choses, si Jésus est un homme, un être humain, il doit forcément avoir l'âme, même sans que je ne lise la Bible. D'accord? Oui. Parce qu'on dit qu'il était semblable à nous. Donc, et là, maintenant, il faut maintenant aller trouver des preuves par rapport à ce qu'il dit. D'accord? Par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est ce qui est écrit dans ce livre, dans ce verset que tu veux lire, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est écrit par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'âmes. Et dans le psaume, il dira qu'il ne permettra pas que son bien-aimé va à la corruption. Parce qu'il ne fera pas son âme. Son âme au séjour des morts. C'est ce que tu as découvert, n'est-ce pas? Pardon? C'est ce que tu as découvert. Oui, c'est ça. La suite. Mais il rendit l'esprit. Oui. Ça me dérange un peu. Parce que dans notre langage, on dit qu'il a rendu l'âme pour dire qu'il est mort, n'est-ce pas? Oui. Bonne question. Mais en réalité, il est mort. On sait tous qu'il est mort, sinon il ne serait pas ressuscité. Voilà. Et comment ça se fait? On dit qu'il rendit l'esprit. Bonne question. Alors, ami Biblis, lui, seconde version, semaine, ainsi de suite, français courant, venez-y, maintenant répondre. On commence par qui là maintenant? Voici les grands sujets de la Bible là maintenant. Et la deuxième question aussi, frère. Non, ne t'inquiète pas, oui. Toujours. Tu as posé la question, non? Toujours sur le. C'est-à-dire que veut dire rendre l'esprit, sur l'esprit. Comment l'âme rendre l'esprit et non rendre l'âme? Pourquoi, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça qu'elle dit que c'est un grand thème de la Bible. J'attends que les frères répondent là-bas. Louise Seconde et Dabi, version française. Qui va parler maintenant? Frère Frédéric, tu as une idée? Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. La sœur Suzanne, une idée? Non, elle pense encore. La sœur Amie, des sujets? Jamais entendu parler. La sœur Christiane? Finissons par le frère Trabi. Il a quand même quelque chose à dire, ne vous inquiétez pas, il peut commencer là. Il sait qu'on lui a déjà dit que s'il est de bon, on lui pose la question, qu'il me dit parce qu'il va dire. Il ouvre seulement la bouche, ça va sortir. Donc faites confiance. Quand il va ouvrir la bouche, vous allez voir. Ou bien il ne veut pas ouvrir la bouche pour laisser sortir, quoi. Bon, vous aussi, quand vous lisez ce passage de Matthieu chapitre 27, verset 50, n'avez-vous pas remarqué qu'il y avait un problème avec notre langage, la façon dont les autres faisaient? Alors, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 20. Verset 7 à 10. Le premier jour, je lis. Quand elle lit déjà ma le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. C'est bon, c'est le verset 10. Après quoi, il partit. Réunis-le encore le verset 10, ma soeur. Oui. Verset 10 encore. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Soulignez « car son âme est en lui. » Notez 1 roi chapitre 17, le verset 21, et 2 rois chapitre 4, verset 34. Je crois que la sœur va nous écrire ça dans le forum. S'il te plaît, mon frère, 2 rois. Vous voyez que la sœur Ami avait commencé l'enseignement sans avoir pris le stylo, mais maintenant elle en reprend maintenant pour noter. 1 roi chapitre 17, le verset 21. Mm-hmm. Vous y êtes? 2 rois chapitre 4 verset 34. On va comprendre quel passage. Merci Père. Luc chapitre 12. Vous êtes à Luc chapitre 12. Luc chapitre 2, vous y êtes. Mm-hmm. Voilà. Notez le verset 15. Jusqu'au verset 21. Mais lisez rapidement le verset 19 à 21 pour comme ça on continue. Et puis on va arriver à dans Saint Matthieu chapitre 27 là. Chapitre 12, il y a des coups, le verset 15 jusqu'au verset 21, mais lisez rapidement le verset 19 à 21. Qui va lire alors? Moi, je veux bien lire. Ah ben, lis-nous ça, ma soeur. Verset 19. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qu'il n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est demandé à cet homme-là cette nuit-là? Son âme est demandée cette nuit-là. Alors, dans 1 roi chapitre 17, je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui. 1 roi chapitre 17, le verset 21, puis 2 rois chapitre 4, verset 34. 2 Rois chapitre 17. 1 Rois chapitre 17. L'enfant de la vieille s'arrêta. Vous ne voulez pas lire alors? À ce rythme-là, on va faire 4 ici aujourd'hui. C'est quel verset? Ça fait des. Verset 21. Monsieur. 21, 17, 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Je continue? J'ai pas demandé de continuer, j'ai donné un verset seulement. Et puis on passe au suivant. Puis quand le tableau sera peint complètement, maintenant on peut décrire le tableau. Vous voyez, le pourquoi je donne d'abord le passage, c'est pour vous préparer que dès qu'on va quitter un passage, on ira dans l'autre. Parce que quand il commence à parler, les passages commencent à sortir, là c'est pas évident pour que vous le captez. C'est pour ça qu'il donne totalement les passages, pour qu'on y voit au fur et à mesure. Comme ça, au cas où si on s'arrête à un niveau donné, vous pourrez continuer à lire ces passages-là, quoi. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, sa main sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Amen. Qu'est-ce que vous avez constaté? Amen. On a lu 4 passages aujourd'hui. On a lu Actes chapitre 20, versets 7 à 10. On a lu 1 Rois chapitre 17, verset 21. 2 Rois chapitre 4, verset 34. Puis votre fameux Matthieu chapitre 27, verset 50. N'est-ce pas? Mm-hmm. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en dites maintenant? Qu'est-ce que vous avez constaté? On a également lu Luc chapitre 12, verset 15 à 21. Mais je vous ai demandé de prendre le verset 19 à 21. Qu'est-ce que vous avez constaté pour tous ces gens-là? C'est l'âme qui revient. Pourquoi donc le Seigneur Jésus-Christ n'a pas rendu l'âme? Parce qu'il est esprit. Donc c'est l'esprit qui criait sur la croix là-bas. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit particulièrement dans Matthieu quand il voulait quitter le corps? Qu'est-ce qu'il a dit particulièrement? Je remets mon esprit entre tes mains. Voilà, c'est très bien. Je remets mon esprit entre tes mains. Il rendit dans l'esprit. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pourquoi il rend l'esprit? Ça, c'est la question. Mm-hmm. Vous parlez de la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Qui a ressuscité Jésus-Christ? Ce cher-là qui était couché là-bas mort. Mm-hmm. La puissance, c'est Dieu. Qui a ressuscité Jésus? Mmh. Dieu Esprit. C'est le Père. Ok. Maintenant, quand il était sur la terre, où se trouvait le Père? Le Père était en lui. Bon, qui est-ce qu'on crucifie à la croix? C'est Jésus. Quand le crucifié, où était le Père? En haut. Donc là, tu avais le Père, quoi? Non. En fait, c'est le corps qui devait subir, l'esprit devait quitter. Okay. Parce que c'est l'esprit vivifiant. C'est l'esprit vivifiant. Parce que c'est cet esprit qui vient pour réveiller le corps. C'est ça dont il est question. Ouais. La sœur, on sent qu'elle sort de la France. La France mange beaucoup dans la sainteté. Applaudissons pour notre sœur. Applaudissons pour notre sœur. Vous ne voulez pas applaudir pour notre sœur, n'est-ce pas? Même la sœur, ouais. Gabriel ne veut pas applaudir pour notre sœur. Parce que c'est l'esprit qui... Allons dans Romains. Attendez. Allons dans Romains, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose dans Romains. La sœur Christian aime trop ces choses comme ça. Là, elle est branchée comme ça. Écoutez très attentivement, d'accord? Vous êtes au chapitre 8. Vous y êtes? Lisez le verset 10 et 11. D'abord. Et si Christ... Personne ne veut lire. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Vous avez entendu ça? Par son esprit qui habite en vous. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui. C'est cette ambiguïté, ce qui est causé justement où vous entendez quelqu'un dire, ok, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas tuer le Père. On peut tuer, ouais, on peut tuer sa chair, mais pas le Père. Ouais. De la même façon, personne ne peut plus jamais tuer un chrétien. C'est ça le problème. Ouais. Personne ne peut plus jamais tuer un chrétien. Que personne ne vous mente qu'on puisse tuer un chrétien. Parce que la vie des chrétiens est cachée avec Christ en Dieu. Ouais. Tout ce qu'il peut faire, c'est rester seulement sur la chair. Dans Matthieu, je peux te dire justement... Notre Seigneur dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez celui dont qui peut tuer le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. C'est celui dont là qu'il faut craindre. Écoutez très attentivement. N'allez pas croire ce mensonge-ci. Un chrétien ne meurt jamais. Il quitte de ce lieu à une maison bien ornée. Plus ornée que tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Amen. Amen. Amen. Bon, donc, Jésus a quand même rendu l'âme. Il a rendu l'esprit. Bon, je veux dire. Oui. Okay. Parce que s'il rend l'âme, il ne descendra pas au séjour des morts. D'accord, ma soeur? Il faut que l'âme descende au séjour des morts. Il est prévu que tu ne permettras pas que ton bien-aimé va à la corruption. Tu vois que son âme, tu ne me permettras pas que mon âme demeure dans le séjour des morts. Son âme ne devrait pas demeurer dans le séjour des morts. D'accord? D'accord, ma soeur? Mais il fallait que l'esprit, parce que à la résurrection même de vous, chrétiens, ah mon Dieu, je vais parler ce soir. À la résurrection, attendons d'abord, quand un être humain meurt, prenons le cas chrétien, d'abord, on oublie les gens du monde là rapidement. Quand un chrétien meurt, nous sommes formés en trois parties, l'esprit, le corps, l'esprit, l'âme et la chair. Les trois sont dans des directions différentes, n'est-ce pas, mes chers soeurs? Ok. L'âme se trouve où? Lorsque vous quittez, lorsque vous cessez de vivre dans ce corps, dans ce corps dont le bouton et les rides nous dérangent chaque fois là. Lorsqu'on quitte ce corps, on arrête d'expirer. Comme on a vu dans les cadres là. Lorsque Élie et le prophète Élisée sont venus là et qu'ils ont vu que l'enfant était inerte là. Quand cet enfant est inerte là, n'est-ce pas? La personne qui habitait dans son corps se trouve où? Est sorti. Ça c'est clair qu'il est sorti. Le problème c'est il est sorti pour aller où? Au marché ou bien en supermarché? Non. Puisque là-bas on entend le prophète dire, il supplie Dieu de faire que son âme retourne en lui. Quand on dit son âme retourne en lui, ça se pense qu'il était sorti déjà. On sait que c'est sorti. La question c'est quand. Ça c'est un exemple clair dans la Bible. Quand son âme sort, quelle est sa destination? Il y a deux destinations selon. C'est pour ça qu'il dit que on ne regarde pas le monde. Regardons nous les chrétiens. Dans les seins d'Abraham. Le sein d'Abraham ou le séjour des morts. Dans les seins d'Abraham. Nous ne connaissons pas le séjour des morts. Le Seigneur avait dit que nous ne connaîtrons plus le séjour des morts. Bon, ça c'est. Non, il y a deux destinations. Bon, non, attends. Pour les chrétiens, nous sommes au niveau. Il dit, ne parlons pas dans les cadres non chrétiens, d'accord? Il dit, nous les croyons. Si nous cessons de respirer sous le soleil, l'âme est destinée. Ça va où? Dans le sein d'Abraham. Le lieu de repos. Voilà. Tranquille, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que pour quelqu'un de prier sur la terre qu'un chrétien ressuscite, il a de chercher plus de problèmes à ces chrétiens-là encore, n'est-ce pas? C'est ça, vraiment, c'est ça. Parce que ici, sur la terre, on n'a jamais appelé la terre le lieu de repos. Non, jamais. C'est là-bas qu'on appelle le lieu de repos. Ça veut dire que si quelqu'un quitte cette terre-ci, ne priez pas qu'on le ramène encore dans cette souffrance et pardon. Vraiment. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas connu Christ qu'il faut prier qu'il revienne pour qu'il puisse dire « Ah, c'était chaud là-bas en bas. » Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc, en résumé déjà, quand un croyant quitte, il va quelque part. Mais lorsqu'il va quelque part, son corps est manipulé ici à la morgue souvent. On porte le blanc-blanc, on paye la morgue, on met les cercueils, on achète le cercueil de 50 000, que c'était un grand saint, il faut qu'on l'enterre avec honneur. Entre-temps, est-ce qu'il est encore là-bas? Non. En ce temps, il se trouve où? Dans le sein d'Abraham. Voilà. Pendant ce temps, il est en repos là-bas. Vous allez manipuler son corps ici, n'est-ce pas? Et entre temps, son esprit se trouve où? C'est celui qui l'a avec les lettres, on m'a vu de me dire. Il y a la sœur Christiane qui a dessiné quelque chose sur sa toiture là-bas. En haut, chez le Père, chez le Père. Chez le Père. Tous les esprits, que ce soit l'esprit des sorciers, l'esprit de n'importe qui, des marabouts et autres là-bas, tous les esprits retournent à Dieu, n'est-ce pas? Voilà, oui. Tous les esprits, sans exception, que tu sois sorcier ou pas, ton esprit retourne à Dieu, parce que c'est lui le Dieu des esprits. Voilà. Mais si quand c'est comme ça là... Si c'est pas comme ça là, tu prouves alors. C'est comme ça. Il a une question. J'arrive parce qu'il faut que ces choses soient construites doucement, doucement. Parce qu'il faut qu'on revienne pour le Seigneur Jésus-Christ pour que vous compreniez le pourquoi. Ce n'est pas l'âme qui est partie, c'est son esprit. C'est pour ça que je suis obligé d'expliquer cela avec nous, puis le Seigneur Jésus. D'accord? Voilà. Souvenez-vous, dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 53, justement, il a dit que c'est le travail de son âme qui va faire que les âmes seront justifiées. Amen. Le travail de son âme. D'accord? Et l'âme est dans le sang. Voilà. Oui. Maintenant, écoutons, je recommence encore. Je sens de vouloir disloquer l'homme en trois. Le corps physique, la partie qu'on appelle âme. D'abord, même l'âme là, non, si elle continue de va dans cette direction-là, ça va nous trembler aux yeux, je dis là. La partie qu'on appelle âme, puis la partie qu'on appelle esprit. On a vu que pour le croyant, l'âme va au sein d'Abraham, le lieu du repos, n'est-ce pas? On a vu que l'esprit retourne à Dieu, n'est-ce pas? Et on a vu que le corps, maintenant, vous pouvez brûler sur la terre. Faire n'importe quoi, brûler dans l'acide, il ne sert plus à rien. Parce que c'est à ce corps-là qu'on a dit qu'il est sorti de la poussière, il doit retourner là-bas. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Jean chapitre 5. Lisons le verset 25 à 29, s'il vous plaît, sans déborder, ni en plus, ni en moins. Le frère Frédéric, il faut contrôler ton temps. Il est 23h exactement 12 minutes à Bruxelles. Il faut parler de monsieur le prophète, c'est le frère Junior qui t'avait captivé là-bas. Ça va. Ça va aller. Ah, tout le monde a entendu, c'est Dieu témoin. C'est vrai, c'est ça. En vérité, en vérité, je vous le dis. Oui. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ok. Maintenant, on a disloqué les trois destinations des corps, les différentes parties des êtres. Mais ici, dans cette passage que vous venez de lire, le Seigneur Jésus nous donne un renseignement. Le verset 28 nous dit que quand il va parler, ceux qui seront dans le sépulcre. Alors ici, il ne s'agit pas du séjour des morts, il parle du sépulcre. C'est-à-dire de la tombe. N'est-ce pas? Maintenant, ceux qu'on aura brûlés et versés dans le lot, vous savez, on fait la crémation, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ils feront comment? Ils auront un nouveau corps. Même si, même toi qui étais dans le tombe, tu as sorti, est-ce que ton corps était toujours couché là? Vous m'entendez bien? Oui. De toutes les façons, après un an, si on creuse votre tombe, on verra des squelettes là-bas, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais le Seigneur Jésus dit que tous ceux qui sont dans le tombe, dans la tombe, entendront sa voix et en sortiront. Ça, c'est clair. Ils sont dans la tombe. Mm-hmm. Et il dit clairement que quand ils vont sortir, ceux qui auront fait du bien pour la vie, ceux qui auront fait du mal pour la damnation. Alors, la question, c'est ceci. Ça veut dire que, un, pour ceux qui ne croient pas à la résurrection, c'est leur problème. Ils qui ne croient pas là-bas, ils n'ont pas besoin de foi pour être ressuscités là-bas. Dieu va forcer les ressusciter. Donc, pour ceux qui ne croient pas à la résurrection, Dieu n'a pas demandé qu'on ne croit pas à la résurrection. Après la fin de tous ces systèmes, si Dieu va ressusciter tous ceux qui ne croient pas, Dieu va leur accorder une très grande foi pour qu'ils ressuscitent. Ils vont se tenir devant lui pour savoir pourquoi ils n'ont pas eu foi qu'il y avait résurrection. Là n'est même pas déjà le problème. Et donc ici, le Seigneur Jésus nous donne un renseignement pour ceux qui sont dans le sépulcre. Alors vous voyez effectivement qu'il y a des gens, que vous le voulez ou pas, chacun a son style de sépulcre. Ouais. Il y a des gens qu'on brûle, des gens qu'on momifie, parce que au temps d'Égypte, on a momifié le cadre de Joseph, n'est-ce pas? Il y a des gens qu'on momifie, des gens qu'on brûle, des gens qu'on enterre, des gens qu'on met plutôt dans les grottes. Et quand on met dans les grottes, ça ne fonctionnera pas les mêmes effets, parce qu'avant de mettre, on traite le corps. D'autres qu'on met dans la poussière sans mettre de cercueil, d'autres qu'on met directement dans la poussière, d'autres qui meurent noyés, d'autres qui meurent dans le corps de crocodile, d'autres qui sont les choses, d'autres qui meurent dans les champs sans qu'on les vu, n'est-ce pas? De toutes les façons, que vous mouriez n'importe où, votre âme, votre esprit, votre corps doivent se séparer. Ouais. Ça c'est d'abord la chose. Et donc ici, le Seigneur Jésus nous enseigne que ceux qui auront entendu sa voix, vont entendre sa voix, vont vivre. Mais à la fin, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler toute personne, ils vont ressusciter. Nous sommes d'accord? Oui. Alors, ça veut donc dire, comme la Bible déclare, que chacun de nous sera jugé étant dans son corps. Vous avez lu ça dans votre Bible? Mmh. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Alors, ça veut dire que si on ressuscite, le corps qui est physique là-bas doit sortir du tombeau, n'est-ce pas, mes sœurs, frères? C'est pas ça? Avec une nouvelle chair. Oui, avec un nouveau corps. Un nouveau corps. Parce que même si on est découpé, on est brûlé, bon, ce sera un nouveau corps. Il y aura quand même un corps. Voilà. Pourquoi pas le même corps? Le premier corps qui est fané là, que les asticots ont bouffé là. Mais les asticots ont bouffé, les asticots se trouvent quelque part, n'est-ce pas, frère? Vous savez, quand on un film joue, ça va devant, vous pouvez faire le revient doucement, vous retrouvez la même chose, non? Mm-hmm. Quand vous faites ça sur votre truc physique, pourquoi Dieu ne peut pas faire ça sur le plan spirituel? Spirituel en physique? Mais ou bien? Tout ce qui est créé de physique a été fait par le spirituel, n'est-ce pas, mon frère? Mm-hmm. Alors, ça veut dire, si vous faites ça sur le plan physique, ça veut dire sur le plan spirituel, on peut le faire, pas vrai? Mm-hmm. Alors, la question c'est, la personne qui est morte est pourrie comme Lazare, comment on le fait venir jusqu'à ce qu'il vient à l'état initial? C'est pas la résurrection? Lazare a-t-il eu un nouveau corps? Quand une santé est détériorée et que Dieu accorde l'autre santé, c'est une autre santé ou c'est la même santé? Il trouve le même corps ou c'est l'ancien corps? Le même corps. Donc faites attention, d'accord? Mm-hmm. Il y a le corps de la résurrection des saints parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Ceux-ci ne peuvent pas avoir le corps glorieux, d'accord, mon cher? Mm-hmm. Donc ils ne peuvent pas donner le corps glorieux aux gens qui ont pratiqué le mal pour les brûler en enfer avec le corps glorieux. Il faut que vous réfléchissiez. C'est ça. Vous comprenez? Voilà, ça veut dire que l'esprit, l'âme vont revenir dans le corps exactement comme ils étaient sortis. Attends doucement, n'importe. Je veux que vous assimilez bien, sinon je vais aller dans toutes les directions. Je vais doucement. Allons dans le livre de Matthieu et vous allez voir quelque chose maintenant. Matthieu chapitre 24. Vous y êtes? Verset 25 à 28. C'est le verset 28 qui nous intéresse. Pourquoi vous êtes lente à lire alors comme ça? Belgique dans la sainteté, vous voici. Y êtes? Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Écoutez, vous voyez, c'est merveilleux ce que le Seigneur nous dit ici dans ces paraboles. Je crois que c'est l'une des choses que les gens posent des questions souvent. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et voilà maintenant, voici une question qu'il a retrouvée maintenant. Allons dans Luc, gardez ceci à l'esprit dans le verset 28 là. Lisons Luc chapitre 17 cette fois-ci. Merci Père. Merci. Belgique dans la sainteté, bonsoir. La sœur Claude est tellement concentrée qu'elle n'a pas dit bonsoir. Elle a dit bonsoir dans son cœur seulement. Luc chapitre 17, le verset 37. Qu'est-ce que ça dit, la sœur Christiane? Les disciples lui demandèrent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Il répondit, où sera le cadavre? Là aussi se rassembleront les vautours. Voilà. Bon, maintenant, laissons maintenant aigle, vautour et ainsi de suite. Regardez très attentivement ce que le Seigneur nous dit ici. Tout le monde me suit? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Tout le monde me suit là. Vous êtes là? Je crois que la connexion a chuté. Passons le temps que la connexion revient. On prend la respiration. Que Dieu cherchait et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Te cherchant pour plus simple et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel se l'épée au-dessus de tous les enfants. Et je n'ai aucun animal à immoler pour courir. Mes péchés et tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul Rami a comblé le cœur condamné à l'or. Il est 17h26. Voilà, oui. Parce que comment je peux monter. Exact. Il y a eu du soleil ici aujourd'hui. Oui. Et bien. Adonai trop. Le fou là. Ah oui, c'est loin de dire, il est aussi, c'est quoi? Il fait seulement son travail. La poupée Barbie. Ça, là, je veux que Dieu lui amène. La récréation est finie, non? Ah, le frère là. Il faut changer le t-shirt. Hein? J'ai mal vu. Non. Ah, ok. Il est sur l'avenue, je ne sais pas quoi, là, avec les arbres, les cocotiers, je ne sais pas où c'est quoi, là. Donc, dans ce livre de Luc, chapitre 17, verset 37, la Bible déclare que les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ, où sera-ce? Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que là où il y aura le cadavre, là s'assembleront les aigles ou bien les vautours, n'est-ce pas, ma sœur? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ en a dit là et pourquoi il pose la question, ses disciples posent la question et puis il les répond comme ça? Nous voyons effectivement que dans cette explication-là, il semble impossible que quelqu'un soit dans un champ, l'autre soit sur le toit, l'autre soit là-bas. Comment tu vas faire pour les retrouver? Il y aura deux personnes au champ. Comment on peut les retrouver? Le Seigneur veut dire clairement que quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent, Dieu va les retrouver pour les rassembler. Maintenant, regardez. Dans la pensée humaine, c'est quasi impossible qu'on puisse retrouver. Regardez, vous avez remarqué que la tête de Jean-Baptiste n'a jamais été trouvée. On a coupé la tête de Jean-Baptiste, on allait enterrer son corps, n'est-ce pas? Vous pensez que le jour qui va ressusciter, il n'y aura pas de tête? Il n'a rien fait. Comment, ma soeur? Quoi, ça? La tête, oui. La tête là viendra d'où? Souvenez-vous que vous ne pouvez pas détruire, l'être humain n'a pas le pouvoir de détruire quoi que ce soit, vous ne pouvez pas annihiler quoi que ce soit sur la terre. Même pas le bout du papier. Si on vous donne un stylo comme celui-ci, on vous demande de détruire ça pour que ça quitte la terre. Personne n'a la possibilité. Vous n'en avez pas. Personne n'a la possibilité de détruire quelque chose qui est physique. Vous savez ça, n'est-ce pas, au moins? Donc, si vous n'avez pas le pouvoir de détruire cela, sauf celui qui a le pouvoir de faire détruire et faire revenir, qui peut faire revenir. Ça veut dire que vous pouvez détruire ce stylo-ci en quittant sur la pomme, en quittant de la forme physique, de la forme liquide, mais le Seigneur le fait revenir exactement à cette même forme-ci. Voilà. Eh bien, le Seigneur dit donc ici que quel qu'en soit l'endroit où le cadavre se trouve, l'aigle va se rassembler là-bas, le vautour va retrouver. Donc, si le vautour parvient à repérer là où il y a le cadavre, à combien de fois raison l'Esprit de Dieu retrouver effectivement son corps, le corps qu'il en a besoin? Vous savez, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Les âmes reviennent dans les corps à la résurrection. L'Esprit y retourne. Vous entendez, n'est-ce pas? Amen. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, écoutons très attentivement. Combien de jours le Seigneur a passé dans le séjour des morts? Trois. Avec quoi? Trois jours par lui. La première nuit, on ouvre la grotte à côté de Golgotha, on trouverait quoi dedans? Le corps. Son corps physique était déposé là-bas, n'est-ce pas? Oui. Mais pendant ce temps, on a dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Oui. Donc, ce n'est pas avec ce corps-là qu'il y est allé, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez effectivement que comme il est Dieu, il faut que l'esprit retourne dans ce corps avec l'âme là pour pouvoir le faire pour qu'il quitte là-bas, n'est-ce pas? Cette fois-ci avec un corps glorieux. N'est-ce pas, mes frères? C'est ça. Quand il est ressuscité là, il avait quelle taille? Quand il est ressuscité, il avait quelle taille? La même chose. La même chose. N'est-ce pas, mes chers? Apocalypse chapitre 1. Que Dieu vous bénisse. Le livre de Révélation ou Apocalypse, chapitre 1. Verset 9, vous y êtes. Je crois que, je ne sais pas si vous allez lire, vous allez pouvoir lire aujourd'hui. Il est 23h32 minutes. Voilà, on y va. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Sirmes, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le fruit de grandes eaux. Comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il s'agit de qui ici déjà? C'est celui qui est ressuscité des morts là, qui était sorti du tombeau. Ça, c'est un autre aspect. Alors, je pose donc la question. Le corps avec lequel est ressuscité des morts là, c'est parti où? Il est monté en haut, non? Il allait jeter ça. Non. C'est pas ça. Lorsqu'on sera sur le trône du jugement, qui sera assis dessus pour juger les nations? C'est celui dont on voit ici ou c'est une autre personne? C'est celui-là. C'est celui-ci. Mais l'apôtre Paul dit qu'il ressuscitera, il jugera le monde par l'homme dont il a ressuscité d'entre les morts, en donnant cette preuve, n'est-ce pas? C'est celui-là ici, là, vous êtes sûr? C'est celui-ci. C'est Jésus. Mais pas celui-là. Donc, ça veut dire que son aspect est changeant lorsqu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Il peut se présenter à ses disciples, on ne reconnaît même pas que c'est lui. Il peut briser le poisson, manger avec du rayon du miel. N'est-ce pas, mes frères? C'est ça. Il peut montrer tout en montrant ce corps avec le trou et le sang là-dessus. Tout en traversant au trou dans un mur, en disparaissant ici. Donc il faut qu'on fasse attention à la puissance de la résurrection. La Bible déclare par rapport à la résurrection que lorsque le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est quoi? On l'appelle qui? Comment? Le Père. Le Père, oui. C'est son esprit, n'est-ce pas? Oui. Donc, comme votre esprit retourne avec votre âme dans votre corps, c'est exactement comme ça, son âme et son esprit sont retournés dans son corps d'homme qu'on donne ton père. C'est compliqué là? Non. Que Dieu bénisse. Bienvenue dans la sainteté, bonsoir. J'aurais souhaité aller plus loin que cela, mais je sens que vous avez la lourdeur aujourd'hui pour librement. Non, c'est intéressant. Lorsqu'on va dans le sein d'Abraham, est-ce qu'on est conscient du bas ici? Oui. Ça veut dire que vous pouvez être en bas ou vous pensez que vous avez laissé votre femme ici sur la terre, quoi? Oui. C'est ça? Oui, parce que quand Abraham était en parole avec le roi, il disait, souviens-toi de ma famille. Enfin, il répétait sa vie qu'il a eue sur la terre. Donc, apparemment, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent comment les choses se sont passées. Voilà. Donc, apparemment, ils sont bien conscients de ce qui se passe. Ecclésiaste chapitre 9, lisons quelque chose et voyons quelque chose dans. La sœur Suzanne Clodon, Ecclésiaste chapitre 9, les versets 5 et 6. Amen. La petite Emmanuel, elle va bien, la sœur Suzanne? Oui, elle va bien, merci. Elle va très bien par la grâce de Dieu. Le E là, c'est pour Élie, ma sœur, ne t'inquiète pas, c'est Emmanuel, bien même. Mais le E, c'est pour Élie. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6. Qui est à la page déjà? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. À quelle partie de ces trois êtres dont on a décrit parle-t-on ici dans le livre d'Ecclésiaste? La question, s'il te plaît, frère, j'ai pas entendu. À quelle partie des trois êtres? Souvenez-vous que j'ai tout à l'heure, nous avons décrit les destinations des trois parties de l'homme. N'est-ce pas? Là où l'esprit se dirige, là où l'âme se dirige, là où le corps se dirige. Dans Ecclésiaste, il est question de qui? De quelle partie? Ou mieux, de quoi est-ce qu'on parle ici? Le corps physique. Bon, maintenant, je vais donner une citation. Vous me dites si cette citation-là est justifiée. Les morts ne sont pas morts. Que pensez-vous? Oui, c'est ce que la parole dit. Où ça? Les morts sont morts. Les morts sont morts. Parce que les morts se disent que tout le monde est enfant de Dieu, donc ils sont morts. Tous ne sont pas morts, mais je sais plus. Bon, je recommence alors ma question. Je pense que les morts sont morts. Je donne encore les citations. Il dit, vous dites si c'est vrai ou c'est pas vrai. Les morts ne sont pas morts. Cette citation, on l'a entendue dans beaucoup de traditions. Vrai ou faux? Mais c'est pas biblique. Les chrétiens, nous, on ne meurt pas. On n'a pas notre chair. Je recommence encore. Enfin, à part le corps. Je crois que la citation est bien compliquée. Donc, je vais encore réciter vraiment doucement. Les morts ne sont pas morts. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Donc, on a là deux résultats contraires. Chacun doit justifier son résultat. Puisque l'âme et l'esprit ne meurent pas. Le mort est composé déjà de trois parties. Donc, si on dit que le mort n'est pas mort, c'est qu'on parle il est mort du côté de sa chair, de son corps physique, mais il n'est pas mort du côté de l'âme et l'esprit. Lorsqu'on parle de mort dans ce contexte-là, ça veut dire être absent dans ce monde-ci, n'est-ce pas? Est-ce que être oui. absent dans notre monde physique et notre face à notre quotidien, le travail, ainsi de suite, que nous faisons normalement, est-ce que cela veut dire qu'en réalité, il y a toute cessation de toute activité? Non. Donc, je recommence encore dans ma question. Les morts ne sont pas morts. Vrai ou faux? Vrai. Quand ils disent que les morts ne sont pas morts, ils veulent dire que les morts participent à ce que les gens font sous le soleil, tout ça. Et je sais un peu comment ça se passe, mais dans leur langage, c'est faux. Les morts sont morts parce qu'ils sont coupés de tout ce qui se passe sous le soleil. D'après Ecclésiaste qu'on vient de lire, oui, ils sont morts. Comme Lazare, par exemple, comme ça. C'était où celui qui était dans le ciel d'Abraham. Oui. Ou lequel de Lazare? Oui, les deux Lazare même. Parce que de toute façon, les deux sont morts, ils ont eu des activités spirituelles, n'est-ce pas? Prenons le Lazare du séjour des morts dans le sein d'Abraham. Quand il est mort, là, il est mort. Le corps était mort. La phrase ne dit pas que le corps des morts n'est pas mort. Il dit les morts ne sont pas morts. Justifié. Mais qui est mort? Donc, on dit qu'il est mort, quand on dit qu'il est mort, c'est parce que Lazare est mort. Voit on dit Lazare est mort, on ne dit pas le corps de Lazare est mort. C'est Lazare qui est mort ou c'est pas lui? C'est lui? Non. Alors donc, les morts ne sont pas morts. Est-ce qu'on peut justifier cela? Est-ce qu'on peut dire que c'est biblique? D'après ce qu'on vient de dire ici, quand ils disent que les morts ne sont pas morts, ils veulent dire que les morts sont, participent à nos quotidiens et que ça fait comme ils le disent. Les esprits aux ancêtres, tout ça. Donc ils sont morts. D'après ce qu'on vient de dire ici, ils sont morts. Hein. Puisqu'ils ont, d'après, ils n'ont plus, ne savent rien, d'après Ecclésiaste. Quand il écrivait ça comme ça, son grand-père, ou bien celui dont son père a remplacé, il allait invoquer l'esprit de qui? Comment, pardon? L'esprit de Samuel. Il était mort ou n'était pas mort? Il était mort. Avait-il eu part de quelque chose qui s'est passé sous le soleil? Non. Pardon? Non, mais il était vivant dans le séjour des morts. Bon, Ecclésiaste dit que quoi? Il n'aura plus jamais part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il a même parlé des effets de la guerre même des outcomes. Et de la victoire même de la perte et du sang et qui serait versé sous le soleil, n'est-ce pas? Je recommence encore la question. Les morts sont-ils morts ou pas? Le Seigneur Jésus aussi dit que la personne n'est pas morte, mais dort. Qui ça? Tout le monde? Jésus a dit de Lazare qu'il dort, il parle au réveil. Est-ce que c'est tout le monde qui dort? Non, c'est ce sont les enfants du Seigneur qui ne meurent pas. Les enfants du Seigneur, lorsqu'ils cessent de pratiquer, comme on appelle, tout ce qui est sur la face de cette terre-là, ils dorment, ils ne sont pas morts. Pourront-ils avoir quelque chose qui se fait sur le soleil revenir, quelque part, sous quelque forme que ce soit? Non. Sur la montagne de transfiguration, qui est venu là-bas? Moïse était mort initialement. Mais ils ne sont pas venus avec un corps physique. Non. Même les ancêtres ne viennent pas avec un corps physique, n'est-ce pas, mon frère? Si vous voulez bien, suivez ma question. Je vais vous poser la question. Vous allez me répondre ce soir. C'est moi qui pose la question maintenant. C'est chaud, hein, l'examen. On n'a pas décrit le corps de Moïse quand il est venu là-bas. On a seulement dit qu'il a vu Moïse et Élie se tenant là-bas debout, causant avec le Seigneur Jésus, oui ou non? Oui. Voilà. Vous dites, quand c'est les enfants du Seigneur, quand ils meurent, quand ils ont achevé le cours ici, ils ne viennent plus ici. Ils étaient sur la montagne ou bien ils n'étaient pas sur la montagne? J'étais là. Alors, je repose encore la question. Les morts sont-ils morts? Mais le problème, moi, il y a un problème. Pourquoi il dit il y a un problème? Parce que la mort d'Élie. Non, je n'ai pas parlé d'Élie, je parle de Moïse. On sait que Moïse est mort. Mais Moïse, on n'a pas vu le corps de Moïse. Mais la Bible dit quand même qu'il est mort, on a fait son deuil pendant 30 jours. Oui, il est mort. Il est mort. Et on dit que Dieu l'a enterré avec son tombeau, même sur la montagne. Il a mis la croix sur ça. Il a mis la croix sur ça. Ici repose Moïse. Non. Alors, donc, ça veut dire que dans vos villages, les tombes que vous allez débrousser chaque fois, vous mettez la croix jusqu'à ce que vous tuez les gens à cause de la croix, que ici repose. Est-ce que les gens reposent là-bas? Non. Est-ce qu'on se repose dans le sépulcre? Non. Il faut désormais ici souffre telle personne. C'est ça. Parce que le lieu du repos, c'est en haut, n'est-ce pas? Donc ici, ne repose pas telle personne. Que son âme repose en paix. Va en paix. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Hein? Je continue mes questions. Oui, mon frère. Que pensez-vous donc des Romains, Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement? Avec toutes les questions que je viens de poser là. C'est chaud. Je n'ai pas entendu ta question. Que pensez-vous des Hébreux chapitre 9? Arrête de pousser ton micro, s'il te plaît, Hébreux chapitre 9, verset 27 qui dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Oui. Après la mort physique, une fois que tu as vécu sur terre physiquement, c'est plus possible. Même premièrement. J'aime pas ça. Après la mort physique. Oui, tu peux mourir physiquement qu'une fois. Puisqu'on connaît la mort éternelle qui est là, le jugement. Après le jugement, il y aura la mort éternelle. Lazare, l'ami de Jésus, est mort combien de fois, ma soeur? Il est mort deux fois. Donc, est-ce que la c'est déjà grâce. Donc, ça veut dire que la formule n'est pas générale alors, de ce que tu viens de dire. Donc, je recommence encore. Hébreux 9, verset 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que dormi la première fois. Oui, donc, oui, Lazare dormait la première fois. Oui. Eh bien, il n'était pas mort alors. Mais le Seigneur a dit dormir. Mais il a aussi dit qu'il est mort, non? Il a aussi dit ça. Il a dit il est mort. Il a dit il est mort. Ouais. Ah, Seigneur. La Bible dit que ceux qui n'ont pas Dieu sont déjà morts, non? Même si il est vivant, même si il est vivant, la paix est toujours mort, n'est-ce pas? Le frère vient encore seulement Donc ça veut dire que si quelqu'un n'a pas la vie de Christ, qu'il soit inerte à la morgue, dans la tombe, ou bien qu'il a envie de marcher, il est déjà mort, n'est-ce pas? Oui, il est mort déjà. Oui. Mort vivant. Quand il va se coucher, maintenant on va dire que vraiment, il est seulement allé que là où il devait continuer, quoi. Voilà, exactement. Ma question subsiste. Les morts sont-ils morts ou ils sont parmi nous? Parce que la suite de cette citation va dire qu'ils sont parmi nous dans nos quotidiens. Ils sont pas parmi nous. Ils sont morts, frère. Moi, je dis qu'ils sont morts. Les morts sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Oui. Mais quand ce garçon-là disait à Abraham que envoie Lazare dans la maison de mon père, qu'est-ce qu'il disait au juste? Puisque les deux ont été enterrés, n'est-ce pas? Oui. Quand dans l'autre dimension. Il disait comme ça, c'est pour que Lazare casse sa tombe, il sort ou comment? Non, c'est pas ça. Il espérait que sa demande allait être exécutée. Bon, est-ce que c'est possible, sa demande? Non, c'est pas possible. Rien n'est impossible à Dieu. Non, mais attends, c'est pas dans ce sens-là, ma soeur amie. C'est pas dans ce sens. C'est vrai que rien n'est possible. Il y avait un monde de séparation entre... Ce que je demande, c'est est-ce que la demande de l'homme riche à Lazare, est-ce que c'est possible que Dieu le réalise? Alors donc, ça veut dire que vous en êtes attesté que tous ceux qui disent qu'ils reviennent de l'enfer et qu'ils étaient morts sont en train de mentir. Oui. Bien sûr qu'ils mentent. Bien sûr. Oui, sans la mentir. C'est impossible que Dieu, tu vois l'enfer à personne là. Oui, j'atteste qu'ils sont en train de mentir parce qu'ils disent qu'ils ont vu l'enfer. En pourtant, d'après les Écritures, l'enfer, on n'est pas. C'est après le jugement que les gens se disent. Encore ouvert. Bon, donc ça veut dire qu'on ne meurt pas, on ne va pas en enfer alors. Non, comment non. Soit c'est le lieu de repos, soit c'est le lieu de tourment. Le lieu de tourment, mais c'est pas le lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Ou à moins qu'ils confondent ils confondent le lieu de tourment, ils disent enfer parce qu'il y a le tourment là-bas. Bon, même s'ils confondent, ça suppose qu'il va quand même quelque part alors. Ah oui. Ou mieux encore, je pose la question d'abord. Ah oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, je pose la question autrement. La question du frère, c'est que est-ce que c'est normal que le gars meure ou bien la femme meure, elle dit. Elle est partie à l'enfer, elle est revenue c'est pas avec un message. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui va dans un lieu de tourment. Maintenant, le monsieur riche a fait une demande. Or, tout est possible à Dieu, mais ça lui a été refusé. Voilà. La question que je pose donc maintenant, c'est si vous dites que cette demande-là n'est pas possible, est-ce que Satan donne la vie du petit ressuscité un corps mort? Non. Dans ce cas, ces gens-là qui sont morts, qui les ressuscite? C'est quels gens? Les gens qui ils n'y sont jamais allés. Ah ben, ils ne sont jamais d'abord morts ou quoi? Non, c'est faux. Ils ne sont Bon, peut-être qu'ils étaient dans un état de sommeil prolongé. Voilà. Voilà. C'est sur cette note que je vais vous laisser ce soir pour vous méditer avant qu'on rencontre la semaine de Belgique dans la sainteté. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Faites-moi bisous à l'enfant. Méditez-y bien. On en revient. Je crois que vous allez revenir avec une bonne réflexion. Donc, dès l'entame de la semaine prochaine, on commence par ce questionnement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Exalte ta grandeur. Okay. Et te rends en gloire. Car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous devons toutes choses être suprême. Alléluia. Ah là là. Tu as dit quoi, Mathieu? Thank you. sa divine bonté, sa divine bonté. Oh oui, le vent, oui, le vent, tu es merveilleux, Seigneur. La force de nos âmes, c'est toi, Seigneur.